mwen. Le ou ka souri la de, se ou ka trahir, mwen se ba, tout chez mwen. Ou mette plein douceur à dans la vie, mwen se ba tout fos mwen. J'aimais sentir tout seul encore. Ah, j'aimais le même. Pour moi, apprenez même, aimer plus fort. Moi, envie, ouais, content. Rigoler qu'on avant. Moi, les la vie, plus belle. Pour vivre ça éternel. Soleil le matin, moi choisis moi les ovinis pour moi.